Alphonse Kugiman assure la mise en onde au micro Sylvestine Boutoyi. Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Apparition d'une nouvelle forme d'escroquerie où le voleur se déguise en administratif en train de faire la liste des bénéficiaires des animaux domestiques distribués par le projet Prodefi. Une femme de la zone Ebuserukwa en commune Rugombo de la province de Cibitoki a été blessée par l'éclat d'une grenade la nuit de ce mardi. Les raisons de cet incident, vous les aurez dans ce journal. Et au cours de ce journal, vous allez suivre la chronique sur le message d'ON à propos des conséquences provenant de la glorification des actes de violence. Voilà pour les titres. Tout à l'heure, vous aurez les détails. Bienvenue encore une fois. Rebonjour, les commerçants exerçant leurs activités en bas du marché moderne de Cibitoke de la commune Rugombo demandent le dégagement des immondices s'y trouvant. Ils expliquent que ces immondices pourraient leur causer les maladies des mensales. Le commissaire de ce marché indique que les commerçants de ce marché sont en train de collecter de l'argent pour les activités. Les détails avec Alexis Ndairagic. Cette montagne d'immondices se trouve au sein du marché moderne de Cibitoke, en commune Rugombo. Les usagers de ce marché ont commencé à jeter ces immondices dans cet endroit après le remplissage du dépotoir de ce marché. Les commerçants qui grognent, surtout, sont les vendeurs du charbon qui sont installés entre le dépotoir du marché et cette montagne d'immondices. Ces commerçants lésés demandent le dégagement de ces immondices tout en craignant les maladies de mes sales. Le commissaire du marché moderne de Cibitoke indique que les commerçants de ce marché sont en train de collecter de l'argent afin de louer des camions qui peuvent dégager ces immondices, tout en précisant qu'un engin chargeur est nécessaire pour remplir les camions. Certains commerçants du marché de Cibitoke contactés indiquent qu'ils ne devraient pas encore donner de contributions pour l'hygiène de ce marché, alors qu'ils paient des taxes qui pourraient être utilisées pour cette activité. Le technicien provincial chargé de la promotion de la santé à Cibitoke, Augustin Bonima, exige au commissaire de son marché de dégager le plus rapidement possible ces immondices de son marché moderne de Cibitoke, en lui demandant également de réhabiliter les latrines de son marché qui ne fonctionnent pas pour le moment suite au manque d'eau. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije, un jeune garçon connu sous le nom de Vianney Akizimana, âgé de 19 ans, originaire de la colline Kaseregue, commune Muruta, en province Kayanza, s'est suicidé le soir de ce mardi. Les voisins du défunt, l'administration et la police indiquent qu'ils ont trouvé la corde attachée au niveau de son cou, les pieds posés sur une chaise qui se trouvait dans sa chambre à coucher. Les parents du feu Akizimana disent qu'ils ignorent les mobiles de la mort de leur fils, étant donné qu'il cohabitait bien avec ses parents aussi bien qu'avec ses voisins. Une cinquantenaire habitant la zone Ebuserukwa de la commune Mugina en province de Cibitoke a été grièvement blessée dans la nuit de ce mardi suite à un jet de grenade. Anesiniwiz est accusé de sorcellerie selon le voisinage. L'agent du chef de colline indique que cela fait un troisième jet en 3 mois. La police à Mugina parle de 2 personnes déjà arrêtées pour enquête. Les détails avec Mireille Kanyang. Anesiniwiz est veuve, elle est âgée de plus de 50 ans, elle est mère de 6 enfants. Renilde est sa voisine, elle dit que la victime est accusée de sorcellerie. Après avoir fait entrer les enfants dans la maison, je venais de leur faire prendre leur bain. Ils étaient à 3 à table. C'est là que je suis sortie dehors et j'ai entendu un petit bruit. Je croyais que c'est une balle de tennis. Et du coup, une grenade a explosé. Et je suis entrée directement dans la maison en criant. Ceux qui disaient qu'ils vont l'intimider ne pensent pas qu'ils vont mourir à leur tour. Ils disent que c'est une sorcière. Mais moi, je n'ai jamais vu cette sorcellerie. Simplice, son fils, demande que les auteurs soient arrêtés, étant donné que les 6 enfants n'ont que cette mère aujourd'hui sur le lit d'hôpital. C'est à elle toute seule, dit-il, de subvenir aux besoins de sa famille. Ernest Ngirinzigo est l'adjoint du chef collinaire. Il informe que cette grenade est la 3e en 3 mois. Nous projetons cette fois-ci la tenue des réunions intensives pour combattre ce phénomène, car sur notre colline, l'on observe souvent des malfaiteurs qui viennent jeter des grenades et ça fait la 2e fois qu'une grenade est lancée sur Bugina. D'ailleurs, il y a une femme qui est morte suite au jet de grenade et les 2 blessés que nous ne savons pas s'ils vont guérir. Les informations en provenance de la police en commune Mugina de cette province de Cibitoke font état de l'arrestation de deux personnes pour des raisons d'enquête. Parle, rassure-moi. Le fait de glorifier des actes violents est susceptible d'inciter d'autres personnes à se livrer à des violences similaires. Ce comportement est surtout observé chez les groupes de gens qui ont eu des différends dans le passé et qui n'ont jamais été réglés. L'expert en résolution pacifique des conflits, Chartien Nyungeko, dit que l'une des façons d'éradiquer le message de glorification de la violence est de faire recours à une tierce personne pour réconcilier les deux groupes au Banyongur. La glorification des actes violents au cours desquels des personnes ou un groupe de personnes ont été ciblées sur la base de certaines caractéristiques comme la race, origine ethnique, la nationalité ou autre, pourrait inciter ou conduire à des violences supplémentaires motivées par la haine ou l'intolérance. L'expert Chartier Nyungeko explique que cela peut être le résultat d'un conflit qui n'a jamais été résolu. Lorsque un groupe de gens ou des personnes ont connu dans leur passé donc des conflits ou des situations pendant lesquelles les gens n'ont pas pu trouver des voies pacifiques et faire face à ces problèmes sans toutefois faire recours à la violence, des fois les gens adoptent des comportements de violence comme voie normale de faire face aux problèmes. Ou lorsqu'on a été victime d'une situation de violence, des fois, il y a des gens qui pensent que si on ne passe pas par la violence, il n'est pas possible de faire face aux problèmes. Cet expert fait savoir que certains de ceux qui pratiquent la glorification de la violence peuvent le faire sciemment pour se vanter ou le faire par ignorance. Mais il indique que cela entraîne toujours des violences cycliques. Quand ils ont passé par la violence, il y en a qui ont dit qui ont pensé que finalement c'est par la violence qu'on peut toujours résoudre les problèmes. Et les autres adoptent ça comme une voie normale, comme un comportement normal, même si ce n'est pas normal. L'expert conseille aux gens d'apprendre du passé pour asseoir une paix durable. Quelle que soit la nature du conflit, Chartier Nyungeko souligne qu'il n'y a pas de raison de recourir à la violence. Les gens doivent apprendre de leur passé. S'ils n'apprennent pas de leur passé, il faut au moins apprendre du passé des autres. Parce que donc la vie est faite du passé, la vie est faite du passé, du présent, de l'avenir. Chaque groupe social a son histoire. Chaque société ou chaque communauté a son histoire. Alors, il y a des communautés il y a des sociétés qui ont vécu la violence dans leur passé. Mais si vous essayez d'analyser aujourd'hui, vous trouverez que les gens ont pu changer, adopter des voies normales, de faire face aux problèmes liés aux conditions de vie de tous les jours. Lorsqu'il y a un différend, il interpelle les protagonistes de faire recours aux organes de médiation ou de facilitation. Merci Oban Nyonghuru. Une nouvelle forme d'escroquerie sur scène, des gens non encore identifiés se déguisent en administratif, en train de constituer des listes des personnes bénéficiaires des bêtes de race modernes octroyées par le projet ProDéfi une fois contracté. Ces gens exigent de leur envoyer un message contenant l'identification complète de la personne visée, mais refusent toute identification de leur part et préfèrent couper le contact téléphonique. Les détails avec Emer Jaranyongou. Cette nouvelle stratégie d'escroquerie se manifeste en des personnes qui se déguisent en des administratifs qui sont en train de constituer des listes de bénéficiaires des bêtes de race modernes pour l'autodéveloppement de la population. Contactés pour plus d'éclairage, ces escrocs ne donnent pas leur identification. Plutôt, ils exigent de leur envoyer un message sur ton téléphone mobile pour compléter ton identification sur fiche, mais aussi ils te renvoient à d'autres personnes dites indiquées pour t'orienter. Allô? Oui? Allô? Oui? Ça va bien, chef de zone? Oui, ça va. Et vous? Et nous, ça va. Vous m'avez écrit un SMS sur l'octroi de vaches de race moderne? Tout à fait. Ego. Quelles sont les conditions pour les bénéficier? Ce qu'il faut, je te donne le contact du coordinateur de l'association à ProDéfi, et cette association est différente de ces coopératives sanguées. Écris le numéro vite et appelle au 61. Indique 61. 67. Attends un peu, reprends. 61, 67, 58, 08. Reprenez. 61, 67, 58, 08. Sinon, vous êtes à quelle zone? Comment ça? Tu as oublié le nom de la zone de ton ressort. Et je voulais me rassurer que je suis en contact avec mon chef de zone. C'est lui-même en personne et c'est pourquoi je t'ai écrit. Comment aurais-je écrit à une personne que je ne dirige pas dans ma zone? Une fois arrivé à cette dernière, ses réponses semblent être identiques aux premières. Menacé par des questions d'éclaircissement, le soi-disant docteur Jean Bosco a préféré couper le contact téléphonique. Ce phénomène survient après celui, sous une autre forme, où de tels escrocs ont toqué sur la porte d'un ménage lundi de cette semaine au quartier Gassegne de la zone urbaine de Guihosha, au nord de la capitale économique de Bujumbura, se déguisant aussi en des visiteurs proches de la famille visée. Merci, Aimé Richard Nyonguru. Sur ce, la rédaction de la radio Isanganiro n'a pas encore réussi à avoir la réaction du ministère de la Sécurité publique. Et la vie de l'homme est dominée par l'envie de ou le désir d'avoir ou d'être. Cette situation pousse l'homme à agir en posant des actes qui conduisent à la satisfaction de son besoin. C'est notre Tade Nzitunga, expert dans la planification, suivi et évaluation des projets, directeur et formateur au Centre de recherche et de perfectionnement CEREP, dit que ce processus conduit à la conception du projet. Selon lui, le projet est intention délibérée d'accomplir un acte pour résoudre une situation problématique. Et cet élément sonore, nous allons y retourner après. La mort du Rwandais Kizito Mihigo à Kigali suscite l'émotion de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo, comme nous le trouvons sur le site de la Radio France Internationale. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes et non des moindres exprimaient leur incrédulité et leur colère après la mort du chanteur de gospel. Et c'est ainsi que prend face au journal, mais à tous ceux qui nous ont suivis à mi-parcours, permettez-nous de les rappeler les principaux titres. Apparition d'une nouvelle forme d'escroquerie où le voleur se déguise en administratif en train de faire la liste des bénéficiaires des animaux domestiques distribués par le projet ProDéfi. Une femme de la zone Nebusserukwa en commune Rugombo de la province de Chibitoke a été blessée par l'éclat d'une grenade la nuit de ce mardi. Les raisons, vous les avez entendues au cours de ce journal et vous avez également suivi la chronique sur le message de Yen à propos des conséquences provenant de la glorification des actes de violence. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive et merci également à Alphonse Koubguimana. Vestine Boutouille, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.